Agipène 2, 1. Les enseignements sur cette cassette seront très limités. Nous considérons quand même qu'elle mérite d'être entendue, parce que la technique de ralentissement nerveux, bien que simple à expliquer, demande quelques exemples pour que nous puissions être totalement certains d'appliquer la bonne technique afin d'aller chercher les bons résultats. La technique paraît très simple, mais elle s'avère d'une efficacité puissante. Elle remplace positivement les techniques de concentration, de focusing et toutes les méthodes de contrôle de la pensée. Le ralentissement nerveux s'exécute comme suit. Lorsque, dans notre tête, ça pense, lorsque nous devons lutter contre la pensée, soit parce que nous voulons changer d'idée, soit parce que nous voulons nous débarrasser d'une suite de mots qui nous achalent, d'une musique qui nous dérange, d'images ou de toute autre sorte de pensée, voici ce qu'il faut faire. Nous allons mentalement rejoindre la pensée. Nous savons qu'il y a une grande différence entre la parole dans la tête et la pensée dans la tête. La parole appartient au mental, c'est nous qui la contrôlons. Nous pouvons cesser de parler dans notre tête à volonté, mais nous ne pouvons cesser de penser à volonté, parce que la pensée ne nous appartient pas. Mais nous pouvons, si nous ne pouvons contrôler la pensée, contrôler du moins la partie cérébrale dans laquelle celle-ci vient s'exprimer. Disons que nous avons une parole, une pensée dans notre tête qui découle sans arrêt. Pour ralentir le processus de la pensée, pour l'éliminer finalement, pour parvenir au ralentissement nerveux, nous allons mentalement commencer à parler dans notre tête. Comme ceci. Nous disons n'importe quoi dans notre tête. Bon, il fait soleil, alors je vais marcher quelques pas. Et je me dirige présentement vers la table de la cuisine. Voilà, j'approche de la table de la cuisine. Je m'assois sur une chaise et je vais maintenant relaxer. Voici un exemple de parole dans sa tête. Évidemment, pour faire le ralentissement nerveux, on peut être couché, on peut être en voiture, on peut être n'importe où. Mais la technique est la suivante. Nous devons ralentir progressivement le flot de notre parole tout en conservant l'intensité de la parole dans notre tête. Voici ce que cela va donner. Bon, je suis couché dans mon lit et progressivement, je vais m'arranger pour ralentir ma parole. Il ne faut plus que la pensée vienne. De cette façon, progressivement, nous deviendrons les maîtres ajusteurs de la pensée. D'où vient la technique Agipène? Nous devons ralentir l'écoulement des mots dans notre tête. Nous devons volontairement ralentir le déroulement des phrases. Progressivement, nous prendrons le contrôle des structures cérébrales dans lesquelles vient s'exprimer la pensée et nous serons encore un peu plus le maître contrôleur de notre vie intérieure et finalement, progressivement, de notre conscientisation. Plus nous ralentirons le flot de la pensée, mieux l'exercice sera fait. La pratique du ralentissement nerveux nous permettra d'atteindre rapidement une sérénité mentale extraordinaire. À nous de la pratiquer.